coucou. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. Vous êtes là ? Moi, je suis pas là. Moi, je suis pas là, c'est mon clone qui est là. Donc, je vous prierai tout simplement eh bien, d'être gentil avec lui comme vous l'avez été... comme vous l'êtes avec moi. Voilà. Donc, nous sommes dans la 788e. C'est rendez-vous avec vous. C'est le clone Agui qui vous présente cette émission. Donc, voilà. Donc, tout est bien, qui finira bien, j'espère en tout cas. Nous sommes ensemble pendant presque 2 heures. Donc, on va arrêter de cocoter et puis on va rentrer dans le vif du sujet. L'amour et le soleil, et c'est ce que je pense de vous, mes chéris. Marcher gaiement par les sentiers, le rossignol vient leur chanter. Il faut aimer pour être heureux. L'amour est le soleil, une source de vie éternelle qui fait rêver le monde à chaque heure et chaque seconde. L'amour nous offre la tendresse, douceur, caresse, c'est merveilleux. Sous le soleil qui nous enflamme et qui nous charme, on est joyeux. Mais si l'on a des jours plus sombres, rester dans l'ombre, c'est ennuyeux. L'accordéon et ses romances, c'est une chance et tout ira bien mieux. L'amour et le soleil, c'est du bien-être dans nos cœurs. Cela nous émerveille et nous apporte le bonheur. Quand ce bonheur sourit, il faut profiter de la vie. C'est si bon d'être à deux, lorsque le ciel est toujours bleu. Le Après avoir partagé l'amour et le soleil, eh bien, nous nous sommes embarqués dans le bateau de Tahiti pour continuer dans ce temps d'une romance. C'est terminé pour autant? Pas du tout. C'est pas parce que c'était le temps d'une romance que tout s'arrête. Non. On continue, on va faire l'amour, mais, en italien. Et plutôt en musique. Pardon, en musique. c'était le grand orchestre d'André Rieu qui continue à nous enflammer avec Bella Ciao, ah Bella Ciao, ce chant révolutionnaire italien qui, oui, il a une longue histoire ce chant, il a une longue histoire, en tout cas la musique par elle-même, après les paroles c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle un grand orchestre. Et évidemment, évidemment, lorsque la musique nous est interprétée par ce magnifique orchestre d'André Rieu, cela ne peut être qu'un véritable plaisir. Je vous laisse apprécier. Thank you. Espagne, y a toujours l'âme en fête. Allez, allez, le passe-doble, les castagnettes. Dansez, dansez, le rythme passe dans notre tête. Une chansonnette, bien mignonnette. Ohé, ohé, on va tous entrer dans l'arène. Allez, allez, la danse, c'est notre oxygène. Un petit tour en Espagne, du côté de Bilbao. La chaleur, le soleil, et c'est l'Eldorado. En Espagne, du côté de Bilbao, la chaleur, le soleil, et c'est l'Eldorado. C'est déjà fini. Ah oui, c'est déjà fini, parce que l'Eldorado, généralement, il se termine comme ça. Les gars de la marine, vous connaissez ? Alors, les gars de la marine ont aussi une très très longue histoire. Les marins, ah oui, les marins, c'est quand même quelque chose. Eh bien, Damien Poyard va nous les faire revivre. On est toujours sur l'eau, on visite le monde, c'est le métier le plus beau. Du pôle sud au pôle nord, dans chaque petit port, plus d'une fille blonde nous garde ses trésors. Pas besoin de pognon, mais comme compensation, à toutes nous donnons un petit morceau de pompon. C'est nous, les gars de la marine. Quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux. Partout, du Chili jusqu'en Chine, on les reçoit bras ouverts, les vieux loups de mer. Quand une fille nous chagrine, on se console avec la mer. C'est nous, les gars de la marine, du plus petit jusqu'au plus grand, du moussaillon au commandant. Les amours d'un col bleu, ça ne dure qu'un jour ou deux. À peine le temps de se plaire et de se dire adieu. On a peu de chagrin, ça passe comme un grain. C'est plaisir de la terre, c'est pas pour les marins. Nous n'avons pas le droit de vivre sous un toit. Pourquoi une moitié quand on a le monde entier? C'est nous, les gars de la marine. Quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux. Partout, du Chili jusqu'en Chine, on les reçoit bras ouverts, les vieux loups de mer. Quand une fille nous chagrine, on se console avec la mer. C'est nous, les gars de la marine, du plus petit jusqu'au plus grand, du moussaillon au commandant. Quand une fille nous chagrine, on se console avec la mer. c'est nous, les gars de la marine, du plus petit jusqu'au plus grand, du moussaillon au commandant. Eh oui, du moussaillon au commandant, s'il vous plaît, madame. Merci d'être passée par ici, nous n'étions pas là. Vous reviendrez bientôt, les gars de la marine. Eh oui, Damien Poyard, une très belle chanson. Une très belle chanson que je dédie à toutes les mamans. Parce que je le dis très souvent sur cette antenne, les mamans, c'est quelque chose à part. Une maman, c'est une maman. Eh oui, beaucoup d'amour pour une mère. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Car c'est elle qui nous donne la vie. Le temps passé n'est pas un problème. Rien n'a changé, tu es resté la même. Il y a dans tes yeux autant de lumière. Et aujourd'hui, tu es plus jolie. Tu as le charme de tes cheveux gris, mais ta plus belle robe, on s'en va, toi et moi, oh maman. Ce soir on fait la fête, on s'en rend amoureux, maman. On va chez l'Italien boire le vin que tu veux, maman. Ce soir tu te fais belle, je t'invite à danser, maman. Tu n'as pas le droit de refuser, je t'enlève, on s'en va, maman. Mets du parfum et du rouge à tes lèvres. On va dîner, un restaurant de rêve. J'ai commandé les fleurs, le champagne. On va fêter ce que tu voudras. Ce soir la reine du monde c'est toi. Mais ta plus belle robe on s'en va, toi et moi, oh maman. Ce soir on fait la fête, on sort en amoureux, maman. On va chez l'Italien boire le vin que tu veux, maman. Ce soir tu te fais belle, je t'invite à danser, maman. Tu n'as pas le droit de refuser, je t'enlève, on s'en va, maman. On va chez l'Italien boire le vin que tu veux, maman. Ce soir tu te fais belle, je t'invite à danser, maman. Tu n'as pas le droit de refuser, je t'enlève, on s'en va, maman. Elle est pas belle cette chanson? Eh oui, Franck Michael qui nous l'interprète d'habitude. Magnifique chanson. Eh oui, maman. Ma symphonie? Non, c'est pas maintenant. Si, c'est maintenant. Thank you. Voilà, c'était ma symphonie. Alors, une autre belle chanson que j'envoie du côté de Saint-Germain-de-Joux à notre ami le pompier de service. Il va se reconnaître. Ouais, une belle chanson pour toi, mon pote. Et merci, merci de ta sollicitation ou de ta disponibilité. T'es un pote. Tu vois, mon pote, le bonheur, j'espère que tu le trouveras. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Merci encore. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Arrivé dans le village, les gens surpris ont ouvert de grands yeux. Une fille aussi belle et aussi sauvage, jamais on n'en avait vu à 10 lieues. Devant la rose rouge de son corsage, en un clin d'œil tous les hommes ont craqué. Ils se sont tous réunis jusqu'à très tard dans la nuit, et tous en chœur sous la fenêtre ils ont chanté. La plus jolie, la plus sympa, la plus sexy, la plus extra, c'est Maria, Maria l'Espagnole. Celle dont on a rêvé 100 fois, les yeux fermés ou à mi-voix, c'est Maria, Maria l'Espagnole. Elle est le soleil de la plaza, le clair de lune de la Rambla. Viva Maria, Maria l'Espagnole. Ma vie a changé tout à coup, toute l'Espagne est avec nous. Viva Maria, Maria l'Espagnole. Maria l'Espagnole. Maria l'Espagnole. Elle est le soleil de la plaza, le clair de lune de la Rambla. Viva Maria, Maria l'Espagnole. Ma vie a changé tout à coup, toute l'Espagne est avec nous. Viva Maria, Maria l'Espagnole. Un petit blanc. Ah, non, non, je suis pas en train de boire un petit blanc. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je me suis fait surprendre, tout simplement. Où est-ce que nous en étions? Ah oui, oui, oui, on était avec Maria l'Espagnole. Eh bien, nous allons maintenant pouvoir apprécier une très belle mélodie. J'ai dans la voix un peu d'Italie, c'est que j'en ai gardé un côté mélodie. Moi j'ai pas choisi les brumes du nord, mais ton vent me conduit au son de tes accords. Quel que soit ton pays, un sang nous réunit. Mélodie, Mélodia, elle chante déjà dans ta voix la mélodie. Mélodie, Mélodia, elle sera toujours toi et moi, la mélodie. Un même ciel, sans plus de détours, vivre sans frontières, on chantera l'amour. Quel que soit ton pays, un chant nous réunit. Mélodie, Mélodia, elle chante déjà dans ta voix, ma mélodie. Mélodie, Mélodia, elle sera toujours toi et moi, la mélodie. Mélodie, Mélodia, elle chante déjà dans ta voix. Sera toujours toi et moi, la mélodie. Eh bien voilà, Miss Musette, un petit hommage à Johnny Hallyday à l'accordéon. C'est pas mal, c'est pas mal. Direction Grand Canyon, en Harley-Davidson. Il coulait dans ses veines la fureur qui déchaîne. Il vivait son histoire, il cassait des guitares. Un snack toujours farouché, le blues à la bouche. Gladiateur dans l'arène, il mettait le feu sur scène. Sa tête, être Johnny dans son cœur, avoir le rock'n'roll tatoué sur l'épaule, être Johnny dans sa tête, être Johnny dans sa tête, être Johnny dans son cœur. Tard en bandoulière, debout dans la lumière, être Johnny dans sa tête. Une icône, une idole, joue le premier rôle. Des amours plus brûlants que la lave et volcan, des concerts de folie jusqu'au bout de la nuit. Il a fait de sa vie l'envie d'avoir envie, au dernier des rebelles nous serons toujours fidèles. Être Johnny dans son cœur, avoir le rock'n'roll tatoué sur la peau. Être Johnny dans sa tête, être Johnny dans sa tête, être Johnny dans son cœur. Guitare en bandoulière, debout dans la lumière, être Johnny dans sa tête. Être Johnny dans son cœur, avoir le rock'n'roll tatoué sur l'épaule. Être Johnny dans sa tête, être Johnny dans sa tête, être Johnny dans son cœur. Tard en bandoulière, debout dans la lumière, être Johnny dans sa tête. Ouais. Ah, Johnny dans sa tête, être Johnny dans sa tête avec cette belle, ce bel hommage que l'on peut faire à notre pote Johnny, bien sûr, disparu trop tôt pour nous. Oui, trop tôt pour certains. Pour d'autres, c'est pas grave, hein, chacun ses plaisirs et chacun ses goûts. Voilà, il faut laisser la liberté. Nous sommes dans un monde démocratique, ou quoique. Pardon. Alors, revenons à nos petits moutons. Alors, nous avons donc terminé. Non, pas tout à fait. Nous n'avons pas terminé encore cette première partie de l'émission. Une petite dédicace à Mimi et Léon. Mimi et Léon, oui, les deux petits amoureux là, qui sont sur la crête, on va dire, là-haut, vous savez, de l'autre côté, presque de l'autre côté de la montagne. Ouais, Léon et Mimi, c'est de la part de Françoise, oui. Ah ouais. Et Jean-Paul, bien évidemment. Un petit souvenir, un petit coucou, voilà, un petit coucou simplement pour dire, c'est Françoise qui le dit, pas moi, hein. Attention, hein, faut pas tout mélanger. On se donne rendez-vous vendredi après-midi avec Mimi, c'est Françoise qui le demande, hein, pas moi. On se donne rendez-vous après-midi en course, hein, ouais. Et puis on se boit un petit café, pourquoi pas, en écoutant par exemple cette belle chanson. Déjà tout à l'heure, une belle chanson pour les mamans. Mais je crois que c'est pas inutile que de recommencer et d'en rajouter une autre pour les mamans. Voilà, tout simplement, pour les deux mamans que vous êtes, les filles, Françoise et Mimi. Les deux hommes, bon, on fera avec. Maman, la vie nous a éloigné, mais mon cœur pour toi n'a pas changé. Profitons du soleil des vacances, oublions tous ces longs mois d'absence. Je t'emmène au-delà de la terre, découvrir des îles de lumière. Sur les vagues et le bleu de la mer, tous les deux comme si c'était hier. Avec vos grands yeux qui étincellent, pour un enfant, une maman est si belle. Soudain on se souvient du temps passé, de tout l'amour que vous nous avez donné. Je veux vous rendre la tendresse, parfum de chaleur pour notre jeunesse. Tous ces plaisirs gravés dans nos cœurs. Une maman fera toujours notre bonheur. Maman, bientôt je dois repartir, mais surtout garde ton beau sourire. Rappelle-toi de tous nos souvenirs, même parfois de nos éclats de rire. Nous avons partagé tant de joie, comme nous le faisions autrefois. Dans la vie, on n'a qu'une maman, il nous faut la choyer très souvent. Avec vos grands yeux qui étincellent, pour un enfant, une maman est si belle. Soudain on se souvient du temps passé, de tout l'amour que vous nous avez donné. Moi je veux vous rendre la tendresse, parfum de chaleur pour notre jeunesse. Tous ces plaisirs gravés dans le cœur. Avec vos grands yeux qui étincellent.

quand les bourgeons renaissent, une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai. Quand l'hiver le délaisse, quand le soleil caresse ses lieux trois à peine éveillés, j'aime sentir sur les places, dans les rues où je passe, ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener par les rues qui s'enfilent à travers toute la ville. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Quand soudain tout s'anime par un monde anonyme de revoir le soleil briller. J'aime quand le vent m'apporte des bruits de toutes sortes et des potins qui se colportent de pot en porte. Il me plaît à me promener en souriant aux filles dans les rues qui fourmillent. J'aime Paris, j'aime Paris au mois de mai. Musicien jusqu'au bout des ongles, comme on dit. Hein. Ah oui, ben, il en faut hein, des ongles, hein, parce que pour tâter un peu le sax, comme il le fait très souvent, puisque le saxophone, c'est un petit peu, comment dirais-je, son bébé, on va dire. Oui, un petit peu son bébé, il le manie comme il l'entend et comme il en a envie. Voilà. Et puis, vous pouvez le rencontrer dans les soirées, dans les thés dansants, vous pouvez le rencontrer un peu partout, hein, Michel. Et puis aussi dans les karaokés, il sait les faire, les karaokés, je me souviens. Mais bon, c'est pas le but et c'est pas le moment. Allez, encore une toute belle. Eh bien, c'est quoi le titre déjà? Ah oui, c'est le spleen du dimanche soir. Le dimanche soir, vous savez, quand il faut remballer tout le cirque là, aïe aïe aïe. Chaque fois que je repars, même si je sais qu'on va se revoir, je n'y peux rien, je broie du noir. J'ai le spleen du dimanche soir. Je sais de quoi j'ai l'air, comme le disait Baudelaire. Je n'ai pas de quoi m'en faire, je ne suis pas suicidaire. Et chaque fois que je repars, même si je sais qu'on va se revoir, je n'y peux rien, je broie du noir. J'ai le spleen du dimanche soir. Et si demain ou ce soir, j'allais voir les Savoyards, un aller-retour dardard juste pour croiser son regard. Que je repars, même si je sais qu'on va se revoir, je n'y peux rien, je broie du noir. J'ai le spleen du dimanche soir. Mais un jour tu verras, je serai dans tes bras. Je ne repartirai pas et mon spleen s'envolera. Chaque fois que je repars, même si je sais qu'on va se revoir, je n'y peux rien, je broie du noir. J'ai le spleen du dimanche soir. Ah, il broie du noir, le Michel. Ah oui, c'est pas grave. Te fais pas de soucis, tu la reverras, ta belle brune. Mais bien sûr, elle est toujours là, près de toi. Tu vas pas la perdre. Allez, on va faire un tout petit coin d'œil, un petit coup d'œil. Aïe, aïe, aïe, oui, à Suzanne, dans la rue du Rhône. Ah oui, je pense que je vais lui faire un petit plaisir. Allez. Lui, il s'appelle Marcel, et lui et elle s'appellent Paulette. Marcel Merquès, Paulette Merval, au joyeux Tyrol. Le monde est beau, le monde est beau, voici revenu le gai soleil. Il est coteau, sont parés d'un déclassant pareil. Écoute bien, les refrains du pays tyrolien. Tout chante ici, il vous faut chanter aussi. Au joyeux Tyrol, quand la gaieté prend son vol, forte crescendo, andrio. Et dans tout le pays, de mille cris réjouis, vibrent les échos, andrio. Chez nous, le climat fleurit quelquefois plusieurs mois, mais le cœur content s'épanouit en tout temps. Au joyeux Tyrol, you le punette, et les filles vont dansant en rond. Les jeunes gens rythment leurs pas, au son captivant des violons. Buvons le vin, le premier flacon nous grise en vain. Car le second vous met d'aplomb. C'était Paulette Merval, mais là, ça va être autre chose. Ah oui, là, ça va être autre chose. Donc là, Suzanne, faut bouger Norbert de sa chaise, hein, lui mettre un bandeau sur son genou avec de la glace, et vous faites ce boléro d'amour. Ton cœur qui bat bien, ce rythme nous entend. ce boléro d'amour. Dans le soir d'automne, tout là-bas résonne un air très doux. Ce chant qui se lève, léger comme un rêve, chante pour nous. Oh, le joli boléro, pour moi c'est le plus beau. Lorsque ton cœur me frôle, quand penché sur mon épaule, je te tiens dans mes bras, je sens ton cœur qui bat. Viens, ce rythme nous emporte, c'est le bonheur. Oh, le joli boléro, je veux danser toujours ce boléro d'amour. La la la la la la la la la la. Ah, ils ont de la voix, hein. Ils ont de la voix tous les deux, oui. Eh bien voilà, c'était pour Suzanne. Et puis aussi un tout petit peu dans ce boléro d'amour pour Norbert, bien évidemment, on ne va pas l'oublier. Allez, Demis Rousseau. Tous ces trains de nuit, ces aéroports, tous ces longs courriers m'éloignent de toi. Ta photographie est dans mon passeport et j'ai dans le cœur un sourire de toi. Toutes ces lumières, tous ces paysages, je les donnerai pour être avec toi. Je passe la frontière au long du voyage. Je sais que tu es à côté de moi. Loin des yeux, loin du cœur, ça n'existe pas. Loin des yeux, loin du cœur, moi je pense à toi. Et chaque jour qui passe me rapproche de toi. Au rendez-vous de ton amour, je suis toujours là. Moi je me réveille un matin à Londres et je me promène le soir dans Athènes. Le jour tu es là un peu comme une ombre, la nuit tu reviens comme un grand soleil. Loin des yeux, loin du cœur, ça n'existe pas. Écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier. autrefois le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, il est minuit, midi, un enfer au paradis, n'importe où, mais ensemble. Quand je t'aime, je ne sais plus si je suis un mendiant ou un messie, mais nos rêves se ressemblent. Mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, j'ai des fleurs au bout des doigts, et le ciel je te dois est un ciel sans étoile. Quand je t'aime, j'ai la fièvre dans le sang, et ce plaisir innocent me fait peur, me fait mal. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à te lèver. Pour terminer cette deuxième partie de l'émission, je vous offre une rose. Bien que vous ne vous appelez pas toute Sandra, je vous l'offre tout de même. Une rose pour Sandra peut sauver notre amour. Comprendre que je l'aime toujours. Il a suffi d'une nuit pour dénouer nos deux vies. Sandra m'a quitté sans bruit et par orgueil, je l'ai laissé partir sans la retenir. Une rose pour Sandra peut sauver notre amour en lui faisant que je l'aime toujours. Je crains qu'il ne soit trop tard, mais mon cœur persiste à croire que son grand me reviendra, car il existera toujours un Dieu pour les amoureux. Une rose pour Sandra peut sauver notre amour en lui faisant comprendre que je l'aime toujours. Une rose pour Sandra peut sauver notre amour en lui faisant comprendre que je l'aime toujours. Je crains qu'il ne soit trop tard, mais mon cœur persiste à croire que son grand me reviendra, car il existera toujours un Dieu pour les amoureux. Une rose pour Sandra peut sauver notre amour en lui faisant comprendre que je l'aime toujours. Une rose pour Sandra peut sauver notre amour en lui faisant comprendre que je l'aime toujours. Une rose pour Sandra peut sauver notre amour en lui faisant. Ah, c'est l'heure, hein. Ah, vous l'attendiez ce moment, hein. Oui, que voulez-vous? Tout arrive à point à qui sait attendre, hein. Ça, c'est le proverbe. Voilà. Donc, c'est le quart d'heure italien, bien sûr, hein. Eh bien, dans ce quart d'heure italien, on va retrouver un orchestre, un seul orchestre, un seul, avec un chanteur formidable. Je vous laisse découvrir tout ça. Stretti sotto al cielo illuminato, gli innamorati si danno baci, fan progetti sulla vita e sul futuro. Quando una stella dal ciel cadrà, canterò per tutti i cuori innamorati, per dar vigore ancor di più al loro amore. Canterò finché parole e poesia daranno forza alla mia voce. quando un po' di neve sui capelli fanno capire che passa il tempo. Ma se quell'amore allora era sincero, nulla e nessuno lo scalfirà. Canterò per tutti i cuori innamorati, per dar vigore ancor di più al loro amore. Canterò finché parole e poesia daranno forza alla mia voce. Alla mia voce io canto ai cuori innamorati. Ne cherchez pas ailleurs, vous ne trouverez pas la même chose. Restez bien sur le 91 et sur le 102.5 et plus particulièrement dans cette émission Rendez-vous avec vous. Des chansons qui ne parlent que d'amour. Rien que pour moi. Un po' serie, un po' giocose, attraenti e spiritose. Che femminilità, la loro seduzione è un'arma micidiale, prima o poi ti colpirà. Dolci furbe navigate, un po' amate, un po' lasciate, di campagna o di città. Siete belle per davvero, lo dico e son sincero, la bellezza non ha età. Il sole dei 50 fa le donne ancor più belle, perché i sogni che fanno bruciano come fiammelle. È bella tutti gli anni, una donna al suo cuore. Sì, però a 50 anni, tra gioie e rimpianti, conosce l'amore. Le donne a 50 anni, ormai lo sanno tutti, hanno una marcia in più. Se hanno dei problemi, li tolgono dai piedi e non ci pensan più. Ha un profumo inebriante, una brezza travolgente, quel sorriso senza età. No, non posso aspettare, io voglio ballare, ballare con te. Il sole dei 50 anni fa le donne ancor più belle, perché i sogni che fanno bruciano come fiammelle. È bella tutti gli anni, una donna al suo cuore. Sì, però a 50 anni, fra gioie e rimpianti, conosce l'amore. È bella tutti gli anni, una donna in amore. Sì, però a 50 anni tra gioia gioie e rimpianti conosce l'amore. Il sole dei cinquant'anni tra gioie e rimpianti le illumina il cuore. Vous êtes toujours là? Ah, vous êtes toujours là, hein? Ça vous plaît tout ça, hein? Eh bien, on va continuer encore un petit moment. Ah, ils sont bons aussi à l'accordéon, les Italiens. Ah oui, pas que là, hein. Io ti cerco ogni giorno, io ti cerco ogni notte, mi sorprendo a pensarti con il cuore che batte, le tue labbra e il tuo viso non mi fanno dormire, sono pazzo di te, ogni volta lo so, mi innamoro di più, perché sei dolce, perché sei bella, perché assomigli tale quale ad una stella, perché sei forte, perché sei giusta, perché mi piaci da morire, punto e basta. Com'è bella la vita, com'è bello l'amore, quando è grande ci scalda, come i raggi del sole. Oggi ho preso quel treno che si chiama destino, ora tutto sarà pura felicità ogni giorno di più. Perché sei dolce, perché sei bella, perché assomigli tale quale ad una stella, perché sei forte, perché sei giusta, perché mi piaci da morire, punto e basta, perché sei dolce, perché sei bella, perché assomigli tale quale ad una stella, perché sei forte, perché sei giusta, perché mi piaci da morire, punto e basta. Sei dolce, perché sei bella, perché assomigli tale quale ad una stella, perché sei forte, perché sei giusta, perché mi piaci da morire, punto e basta, perché mi piaci da morire, punto e basta, perché mi piaci da morire. Ne changez rien, restez bien sur le 91, sur le 102.5, sur GFM, la radio la plus proche de chez vous. Rendez-vous avec vous, c'est cette émission-là. Et le quart d'heure italien, c'est ici, nulle part ailleurs. Una stella che cade dal cielo mi fa subito pensare a te, si scatena in me il desiderio di rifare ancora l'amore con te, ma il tuo cuore ora freme per chi ti ha portato lontano da me, Non importa, so anche soffrire, non importa, ma ti aspetterò. Ricordati di me, di chi ti ama ancora. Ripensa quando tu giurasti eterno amor. Mentivi, mentivi, mentivi al mio cuor. Ora in questa piccina dimora scrivo dolci parole d'amor, le rilecco e le bagno di pianto, poi le fiamme ne fanno un baglior. Mi domando perché il mio pensiero come lama colpisce il mio cuore, mi tormenta l'immagine tua, amor mio, non farmi morire. Ricordati di me, di chi ti ama ancora. Ripensa quando tu giurasti eterno amor. Mentivi, mentivi, mentivi. Yeah. Cette chanson, elle date, c'est les années 60, hein, avec Rita Pavone. C'est pas Rita Pavone qui la chante là, mais voilà, c'est une très très très vieille chanson qui a été un peu remasterisée, comme on dit, mise au goût du jour avec mon orchestre, un de ces orchestres que j'adore, cet orchestre italien. Che meraviglia parlar d'amore con una donna che ti fa scoppiare il cuore. Che sensazione di euforia che ti rapisce il cervello e vola via. Che sentimento gioioso e strano se solamente tu le prendi la sua mano. Vorresti averla in quell'istante, vorresti amarla, possederla ancora di più. Voglio ancora ballare insieme a lei, voglio ancora sognare stretto al suo cuore, voglio ancora morire negli occhi suoi. Voglio ancora sfiorare le sue dolci labbra e sentirne il sapore. Non c'è poesia, non c'è canzone che può portare al tuo cuore un'emozione così speciale, così solare, che non ti accorgi che è l'inizio di un amore. Mentre la stringi vorresti dirle quelle parole che son nate come un fiore in quel giardino della tua vita, e a coltivarlo fosti sempre solo tu. Voglio ancora ballare insieme a lei, voglio ancora sognare stretto al suo cuore, voglio ancora morire negli occhi suoi. Voglio ancora sfiorare le sue dolci labbra e sentirne il sapore. Negli occhi suoi. labbra e sentir del sapore. Voglio ancora ballare e stringerla il cuore e parlarle d'amore. Quando l'alba lenta svanisce e ti lascia un grande vuoto in fondo al cuore, una voce dentro ti dice la sua porta si è chiusa ormai per te. C'est que les carottes sont cuites, comme on dit. Eh oui, ces deux heures ont passé trop vite, je le sais, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, on se retrouve dimanche et on se retrouve lundi dans une nouvelle émission ou dans une rediffusion, pourquoi pas. En attendant, eh bien, restez bien à l'écoute du 91 et du 102.5. Je vous aime. Je vous embrasse, et vous les femmes, je vous embrasse partout, partout, partout, partout. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous.